Chapitre 6e. C'était jeudi 1er juillet, fin de matinée. Dans ce petit bosquet de pins et de chênes kermès, sur un tapis d'aiguilles et de feuilles, Camille était tendue, la tête sur le côté, appuyée sur un gros galet de Durance. Camille dort. Elle a les yeux légèrement entr'ouverts et dort à poings fermés, un vague sourire sur les lèvres. Deux mouches ont entrepris l'exploration de son nez et de son oreille, mais ça n'a pas l'air de déranger Camille. Hormis une cigale qui s'évertue dans un pin, le silence est pesant au ras du sol. Camille dort. Sa chemisette largement ouverte laisse voir des seins naissants. Ses bras sont écartés de chaque côté de sa tête. Un ray de soleil vient dorer le fin duvet de ses jambes légèrement entr'ouvertes. Camille dort. Non, Camille ne dort pas. Il va être 3 heures de l'après-midi. Brossard, après un bon penquet, part en forêt pour terminer son ouvrage. En cette saison, pour éviter les grosses chaleurs, il préfère commencer son travail plus tard, quitte à revenir à la tombée de la nuit. Ses tâches en plein été lui vident littéralement la tête. Son copain Fanello n'est pas bavard, heureusement d'ailleurs, car avec son accent piémontais à couper au couteau, il est difficile à comprendre. Tout ceci confère un certain prix aux rares paroles qu'il prononce. Quand arrive le soir, une bonne fatigue gagne Adrien et l'empêche de ressasser ses problèmes. Il passe par le bosquet de pins derrière l'église, pour arriver plus vite sur le lieu de la coupe. Arrivé au milieu du bois, il aperçoit au bord du chemin un corps allongé par terre. Il s'approche et reconnaît une fillette d'une douzaine d'années. Sa tête repose sur une pierre. Ses deux mains sont jointes sur la poitrine, son petit col bien boutonné. Son petit cartable de cuir est à ses côtés. Elle doit dormir, mais malgré la chaleur, il y a des endroits bien meilleurs pour faire la sieste. Ou alors elle boude et fait semblant de somnoler. Adrien s'approche encore. Il s'est muni d'une aiguille de pin pour chatouiller le nez de la jeune fille et la réveiller. Une fois au-dessus d'elle, il hésite encore, un sourire sous les lèvres. Il lui passe doucement l'aiguille de pin sur le nez. Rien. Il lui caresse alors la joue. Elle est bien froide par cette chaleur. En la fixant, il s'aperçoit que sa poitrine ne se soulève pas. Il lui secoue alors doucement l'épaule. Rien. Une vague d'angoisse lui noue soudain la gorge. Non, ce n'est pas possible. Il secoue encore la fillette de ses mains tremblantes. « Non, ce n'est pas vrai. Dis, réveille-toi, nom de Dieu !» Adrien soulève la tête de la gamine. Un mince filet rouge s'échappe de son oreille. Une flaque de sang s'est formée sous sa tête, juste à côté de la pierre. « Nom de Dieu, mêlée !» Brossard ressort du bois comme un fou en poussant des cris. « À l'aide ! À l'aide !» Il arrive tout essoufflé à la gendarmerie, l'ancien couvent des Trinitaires, où il fait brusquement irruption. « Venez vite ! Elle est morte ! Elle est morte ! Elle est là-bas, dans le petit bois, sous le moulin Bertoir. » Devant son affolement, les gendarmes enfourchent leur bicyclette sans réfléchir et pédalent en direction du bois. Arrivés sur place, ils font cercle autour du corps et observent en silence. Essoufflé, Adrien arrive à son tour. « Vous n'avez touché à rien ?» demande le chef trinqué. Adrien fait non de la tête. Le gendarme se penche et scrute attentivement le visage et le corps. Il remarque le filet de sang sortant de l'oreille. Des traces salissent aussi la pierre près de la tête. Il note également la position des mains et du corps, étendue sur le dos comme une statue de la Vierge tombée de son piédestal. À première vue, elle peut être tombée la tête la première sur la pierre. Mais c'est tout de même bizarre qu'elle se soit mise dans cette position pour attendre du secours. Je ne vois pas comment elle a fait son compte. Ce n'est pas clair, chef. Ça ne ressemble pas à un accident, affirme le gendarme Perrault. Non, je suis de votre avis, Perrault, c'est mal parti. Prévenez le parquet d'Aix par téléphone. Il ne faut toucher à rien en attendant le procureur. Boissy et Ménard, postez-vous aux entrées du bosquet. Personne ne doit pénétrer ici. Vous, Brossard, vous restez avec moi. Vous êtes le principal témoin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre que ce qu'on voit? Je passais par là et je l'ai trouvée comme ça, la pauvre gosse. Bon, on verra ça après. En attendant, vous restez là, avec moi, sinon je vous verrai obligé de vous passer les menottes. Mais enfin, si j'étais pour quelque chose là-dedans, je ne serais pas venu vous prévenir, s'énerve Adrien. Brossard, vous allez me foutre la paix, oui. 4 ans, ça n'a pas suffi à vous calmer. Adrien se contient et ravale sa rage. Taper sur la gueule d'un gendarme, c'est un suicide. Prenant son mal en patience, il va s'asseoir contre un arbre. Il a passé des heures comme ça, au bagne. Perrault revient après son coup de téléphone. Le temps s'écoule lentement, trop lentement. Une voiture décapotée basse et bleue passe sur la route en contrebas. Tiens, c'est le fils Lachaume dans son Amilcar. Elles sont belles ces petites voitures, et nerveuses avec ça, dit Boissier. Long comme tu es, tu aurais le nez dehors, au-dessus du pare-brise. la figure pleine de moustiques et d'abeilles collées. Tu serais beau, t'es, reprend Perrault. Et toi, t'es tellement petit que tu ne verrais même pas la route, Fada. Puis chacun, y compris Brossard, essaie d'imaginer ce qui a pu se passer. Si elle est tombée en marchant, elle aurait le visage tourné vers le sol, vous ne croyez pas, chef ? S'interroge Perrault. Oui, à moins qu'on l'ait retournée. Elle est peut-être aussi tombée en arrière, si on l'a poussée, suggère le chef trinquier. On l'a peut-être assommée avec une autre pierre, propose Brossard. Brossard, c'est la dernière fois. Vous comprenez ou il faut vous faire un dessin ? Une demi-heure plus tard, un klaxon poussif se fait entendre. Deux voitures arrivent près du moulin et se garent. De la première, une Celta Quattro Renault. Un homme humide et gras essaye de s'extirper de derrière son volant. C'est le juge Moretti. Son passager bondit hors de la voiture, un cartable à la main. C'est le greffier Morel. De la Rosengart, le médecin légiste descend, sec et blafard, accompagné du procureur. Le chef trinquier, ayant entendu les bruits de moteur, vient à leur rencontre et les conduit jusqu'au cadavre. Vu les circonstances, le silence plombe encore plus la scène. Moretti tourne autour du corps en s'épongeant le front. « Qu'est-ce que vous en pensez, trinquier ?»« Pour l'instant, rien, monsieur le juge. »« Si vous m'avez prévenu, c'est que vous pensez qu'il s'agit d'autre chose que d'un accident, » fait remarquer le procureur. « Oui, bien sûr, monsieur le procureur, mais à part ça, » marmonne trinquier. « Vous savez qui est cette gosse ?» questionne le greffier Morel. À ce moment, un hurlement déchirant se fait entendre. Une femme échevelée court en direction du groupe, suivie par le gendarme Ménard qui la poursuit. « Chef, chef, j'ai pas pu l'empêcher, c'est la mère, elle a cherché sa fille partout. » La femme tente de plonger vers le corps, mais le gendarme la retient au dernier moment. « C'est bien votre fille, madame ?» demande Moretti. La mère hoche la tête dans un sanglot. « Par pitié, laissez-moi la toucher, je savais qu'il était arrivé un malheur. »« Non, madame, il faut d'abord que nous fassions les premières constatations, » dit trinquier. Le procureur fait signe au gendarme d'amener la mère à l'écart. Il se tourne vers le légiste, dont c'est le tour d'intervenir. Il se penche sur le corps et s'affaire. Pendant ce temps, le juge continue à interroger. « Qui a découvert le corps ?»« C'est lui, monsieur le juge, » répond Trinquet en désignant Brossard. Il lui fait signe d'approcher. « Adrien Brossard, monsieur le juge, » prononce Adrien, en s'inclinant légèrement. « Je suis l'ancien directeur d'école. »« Ah, le bagnard !» s'exclame le juge. « Vous pouvez vous vanter d'avoir été élargi. » « J'étais innocent, monsieur le juge. » Et je tirais tout de même 4 ans pour rien. Oui, bon. Elle était comme ça quand vous l'avez trouvée. Vous n'avez touché à rien. Non, je l'ai seulement secouée un peu en espérant qu'elle se réveillerait. Ah oui, vous l'avez secouée, et après vous avez tout remis en ordre et vous lui avez joint les mains. Comme un gisant de tombeau. C'est bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. J'ai seulement secoué son épaule, et c'est comme ça que je l'ai trouvée, dans cette position. Persiste Brossard. Une ambulance noire et antique se gare à côté de 2 autres voitures. Le légiste se relève et enlève ses gants. « Alors, Toubib ?» demande le procureur. « Traumatisme crânien, avec enfoncement du rocher. La fracture du crâne a entraîné une hémorragie cérébrale qui a provoqué la mort. »« À quand remonte l'heure de la mort ?» s'enquiert le juge. « Environ 3 ou 4 heures, disons aux alentours de midi, » répond le légiste. « Elle a reçu un coup ?» demande Trinquier. « Un coup, non. Il n'y a pas de trace de coup avec un objet, si c'est ce que vous demandez. Non, il y a un gros hématome. » Là, elle s'est assommée en heurtant la pierre, certainement. Vous pensez qu'on a pu la pousser ? Demande le juge Moretti. Oui, pourquoi pas. En tout cas, sa tête a heurté la pierre, c'est presque certain. Elle a perdu connaissance sur le coup et l'hémorragie crânienne a fait le reste. Et c'est possible qu'elle soit tombée dans cette position-là ? S'étonne le juge. Non, affirme le toubib, il y aurait une chance sur 1 million pour qu'elle tombe comme ça. Pourtant, c'est bien là, sur cette pierre, qu'elle est morte. « Le corps n'a apparemment pas été déplacé, » dit Trinquier. « Non, pas vraiment déplacé, mais après la chute, quelqu'un a changé la position du corps. » Coup d'œil furtif à Brossard. « C'est évident. »« Vous avez bien fait de me prévenir, Trinquier, » se félicite le procureur. Il s'approche de la mère. « Madame, je suis sincèrement désolé de ce drame, et je comprends votre douleur. Nous allons devoir emporter le corps pour pratiquer une autopsie. » La mère pousse un léger cri et s'effondre, Ménard la soutient. « Allez, lui dit-il, soyez courageuse, on va trouver qui a fait ça. On vous préviendra dès que vous pourrez récupérer le corps. »« Trinquier, je vous charge de l'enquête. Lancez un appel à témoins et interrogez tous ceux qui connaissaient la gamine. Tenez-nous au courant, bien évidemment, » ordonne le procureur. « Et Brossard, qu'est-ce que j'en fais, monsieur le juge ?» demande le chef. « Vous me l'embarquez, vous me le cuisinez de près. Pour l'instant, c'est le seul témoin, et aussi le seul suspect. « Allez, Brossard, » dit le gendarme Boissier, « tu nous suis à la gendarmerie. » Adrien croit vivre un cauchemar. Ça y est, le tutoiement recommence, les regards méprisants des gendarmes. Ne pas savoir ni quand ni comment cela va se terminer. Il a soudain envie d'en finir avec la terre entière. De retour à la gendarmerie, l'interrogatoire commence. Alors, raconte un peu. Trinquet, derrière son bureau, se penche vers Brossard, assis sur un tabouret, les mains menottées derrière le dos. Ses maxillaires sont animés de mouvements spasmodiques qui dénotent son état de nerf. Trinquet, la cinquantaine bien sonnée, est l'archétype du brave homme. Une tête ronde, à la calvitie prononcée, un visage bouffi aux joues couperosées, des yeux noirs, mobiles et brillants, des sourcils très fournis, le sourire aussi prompt que la colère. Il est assez court sur pattes, mais sa large carrure donne une impression de force rassurante. Dehors, le soir apporte sa tranquillité. Les cigales commencent à se taire, et le moment le plus agréable de la journée arrive enfin. La température baisse, le monde s'apaise. On entend de loin le choc des boules, place de la Trinité. La vie pourrait s'écouler si doucement, s'il n'y avait ce grain de sable, une vie qui s'en est allée. Tout se calme, sauf Brossard. Trinquet se détend et a un élan de sympathie pour ce type qui a passé 4 ans au bagne. L'adjudant passe derrière Brossard et le libère. Il n'a pas d'a priori sur lui, mais son boulot, c'est de le faire parler, voire de le faire avouer. 4 ans en arrière, il n'y avait pas réussi, et pour cause. S'il n'avait tenu qu'à lui, Brossard n'aurait pas été condamné. Peu ou pas de preuves, et en tout cas pas de mobile. Le juge n'y a pas été de main de morte, et de toute évidence, c'était un règlement de compte. Mais aujourd'hui, on peut raisonner différemment. 4 ans de bagne et d'abstinence, ça aiguise les appétits. Sans compter que la gamine était ravissante. La chaleur, les cigales, ce bon dieu de climat qui fait qu'on a le sang qui palpite plus près de la peau. Oui, dans le fond, c'est possible de se laisser aller, même pour un brave type. Trinquet imagine. La gosse se défend, Brossard la pousse, la tête de la gamine heurte la pierre. Affolé, Brossard maquille l'accident et il en fait trop. Oui, il en fait trop. Et voilà, c'est aussi banal que ça. En fait, pense Trinquet, quand il est venu les prévenir, Brossard devait être dans le petit bois depuis un moment. Lui, à sa place, n'aurait pas couru le risque de se faire accuser. Dans le fond, il est un peu idiot, ce maître d'école, ou alors il est très intelligent et sait prendre des risques. L'interrogatoire reprend. Alors, raconte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai déjà dit, réplique Adrien. À quelle heure as-tu pénétré dans le petit bois? Je vous l'ai dit, vers 3 heures après ma sieste. Moi, je crois que tu y étais depuis un moment, dans le bois. Tu devais te sentir mal et tu réfléchissais à ce qu'il fallait faire après. Après quoi ? Vocifère Brossard. Trinquet se lève brusquement, rouge de colère, et fait tomber sa chaise. Après ton forfait, mon salaud ! Mais à vous, nom de Dieu, à vous ! Éructe-t-il. Adrien se lève à son tour, blanc de rage. Fumier va ! Des gamines comme elle, j'en ai vu passer des tas en 20 ans de métier, et on n'a jamais rien eu à me reprocher. Comment peux-tu penser à une chose pareille, pourriture ? Bon. Tu commences sérieusement à m'encagner, et en plus tu m'insultes. Boissier, Boissier, mets-moi ce zig au frais pour la nuit. Fende pétant, va réfléchir, allez. Trinquet allume une celtique pour se détendre les nerfs. Jette un œil sur le dernier numéro du Rire. Les caricatures de Blum et de Herriot ne le font pas rire du tout. Décidément ce Brossard, quel testard. Et encore une fois, Adrien se retrouve à l'ombre d'une cellule. À Cayenne, il croyait avoir touché le fond, et se consolait en continuant à croire à des jours meilleurs. Mais l'enfer recommence, et l'espoir est réduit à néant. Il décide donc de se détacher de tout, et se résout à se refermer sur lui-même. Il ne répondra plus à aucune question, et attendra que la fin vienne, n'importe quelle fin. Mireille a attendu patiemment Adrien à la fin de sa journée. Elle lui a amoureusement mitonné une soupe au pistou. Ce n'est pas son homme, malheureusement, mais elle l'a toujours aimé, dès le premier jour où elle l'a vu. Déjà, quand il est parti sous les drapeaux, elle a pleuré en secret toutes les larmes de son corps. Quelle chance qu'il soit revenu dans le même poste. Elle a cru y déceler un nouveau signe du destin. Quand il s'était marié avec cette pute de salon, elle savait bien que ça ne durerait pas. Ce n'est pas contre ses cuisses qu'on tient un homme, surtout si les cuisses sont partagées avec d'autres. Elle avait souffert de ce mariage autant pour elle-même, se sentant salie d'avoir été écartée pour une traînée, que pour Brossard, qui à ses yeux était tombée en déchéance. Quand la salope était partie, après de mémorables scènes, elle avait pensé que sa chance était venue. Mais non, Adrien était aveugle, ce couillon. Il est maintenant 8 heures du soir. Inquiète, elle se rend chez Pépé Fanello, qui fait équipe avec Adrien. Ils en sont peut-être encore au pastis, pense-t-elle. Oh, Pépé, il est là, Adrien? Il n'est pas venu travailler cet après-midi, cet fainéant. Ça se voit qu'il n'est pas fait pour ce travail. Qu'est-ce que tu racontes, pour Reniaille? Où il doit être, alors? Non, de l'osso. Elle se précipite chez Juju, le patron du café, qui ferme déjà ses volets. Juju, tu as vu Adrien? Brossard? Non, il n'est pas venu ce soir. En rentrant, elle croise la vieille Chassagne et qui lui apprend qu'Adrien a été arrêté par les gendarmes. Elles font en sanglots. Ça recommence. Pourquoi a-t-il été arrêté? Comment va-t-il supporter ça cette fois? C'est sûr, pense-t-elle, il va en devenir complètement fada. Ne sont-ils jamais heureux tous les deux? Elle ne peut se résoudre à le croire.